Comment distingue-t-on milieu et environnement ? Dans les débats actuels sur ce qu'on appelle parfois la crise écologique, la crise climatique, la crise du vivant en général, il y a un combat entre des notions et ce n'est jamais totalement anodin. Certains résistent en effet, et sans doute avec raison, à la notion d'environnement et lui préfèrent celle de milieu, même si elle n'est pas encore entièrement revenue justement au milieu du débat sur l'environnement, pourrait-on dire, aujourd'hui, car elle est marquée aussi, cette notion de milieu, par une longue histoire, qu'il faut travailler notre vie présente, nos débats politiques du moment devant s'instruire d'une longue histoire passée et les mots étant surdéterminés et pouvant conduire aussi à de nouveaux conflits entre les humains. Mais quel est le problème de la notion d'environnement par opposition à celle de milieu ? C'est que l'environnement suppose, en partie à juste titre, que le vivant est un centre au service duquel travaille le monde qui, en quelque sorte, l'environne. Le vivant est nécessairement au centre de son monde. Chaque vivant, tendant à se protéger contre la mort, considère sa vie comme un bien premier et le reste du monde comme quelque chose qui l'entoure positivement ou négativement, autour duquel se constitue sa vie et qui, sa vie, finalement, consiste à normer, à réguler. Et les humains ont fait du monde tout entier leur environnement, comme s'il était entièrement à leur service, comme si ce n'était pas eux qui étaient dedans, mais lui qui se tournait entièrement vers nous, vers les humains comme centre du monde dans son ensemble. On comprend que cette notion d'environnement, de penser le monde comme un environnement ait pu donner lieu à une critique radicale. D'un autre côté, la pensée de la nature, la pensée du monde aussi, tend à couper entièrement le lien avec ces vivants que nous ne pouvons pas ne pas être, avec cet environnement qui ne peut pas ne pas être pensé aussi par rapport à celles et ceux qui y vivent. Entre ces deux extrêmes, d'un environnement utilitaire, normé, au service de ceux qui y vivent d'un côté, et de l'autre côté une nature ou un monde où il n'y a plus de vivants, où il n'y a plus de centre, où il n'y a plus d'une pluralité d'êtres qui se considèrent en effet inévitablement comme des centres, la notion de milieu est peut-être celle qui nous permet un juste équilibre à certaines conditions, et d'abord à la condition de la mettre au pluriel. Oui, il y a des milieux pour tous les vivants, et il y a pour chaque vivant plus d'un milieu. Les humains en particulier circulent entre la planète comme milieu vital et la société comme milieu humain, historique et politique, et peut-être que la dégradation du milieu politique explique aussi la dégradation du milieu naturel. Peut-être que c'est la pollution de nos idées qui engendre la pollution de notre environnement. Peut-être qu'il faut normer l'ensemble des milieux pour tous les vivants d'une façon critique et par opposition à leur dégradation possible. Il n'y a pas une relation mécanique entre la vie et l'environnement, pas non plus une relation mystique entre l'homme et la nature, mais une régulation de tous les milieux à produire depuis les milieux humains, politiques, pour tous les milieux vivants et biologiques, pour les préserver, car les milieux sont ceux dans quoi tout le monde vit.